double X on the track, bitch. Personne ne veut parler de son passé, l'humain on veut savoir qui nous guette, qui est prêt sur nous à cracher. Oui, t'es prêt à te gâcher, incompris et fâché. Tu passes toute ta vie à te cacher. Oui, t'es prêt à te gâcher, incompris et fâché. Tu passes toute ta vie à te lasser. Mais dis-nous, tu veux quoi? J'ai pas tout, je peux pas refaire un monde. Ouais, dis-nous, tu veux quoi? Avec eux, je vais arriver en bombe. J'ai pris ma mif et je me suis taillé. Je me suis taillé devant aucune somme, gros j'ai bégayé. J'ai bégayé, ouais j'ai pris ma mif et je me suis taillé. Je me suis taillé devant aucune personne, je me suis agenouillé. Je me suis agenouillé. Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Y'a bien quelque chose que t'as sur le cœur, mais que tu ne dis pas. Thank you.